Ah, petit problème. Fab, tu veux mettre le générique ou on attaque direct? Allez, c'est parti, coup d'envoi du générique. Une seule émission, une seule émission rap de référence. Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial David Carrera. Passez une bonne soirée, une nouvelle semaine débute. Comment ça va, David? Ça va et toi? En pleine forme, c'est ton premier Planète Rap pendant une semaine. Et ouais. Bon, tu étais déjà de passage, t'étais venu avec Tal. Ouais. Et là, tu es de retour pour cet album qui est sorti fin août, qui se porte bien. Qui est sorti le 25 août. 25 août, exactement. Qui se porte assez bien. Je suis vraiment content des très bons retours. Donc, on s'amuse, tu vois, on fait de la musique. Je vois que tu t'éclates. En plus, et en premier featuring, Planète Rap. Tu t'es éclaté. Mokobé, Dry, Tal, LOCK, Snoop Dogg. Il est déjà venu, il se nie Snoop Dogg, ouais. Il est déjà venu. Ouais, il est déjà venu. Fait son Planète Rap. Ouais, on a déjà fait, on a enregistré un jour un Planète Rap d'ailleurs hallucinant où il devait faire 2-3 morceaux et il nous avait fait 40 minutes de live en reprenant tous ses plus gros cartons et tout et on avait passé un super moment avec Snoop. Bah, moi, Snoop, c'est vraiment pouvoir faire un titre avec lui en studio, pour moi, c'est une référence. Ah bah, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Il a mis 20 minutes à écrire sa partie et pendant les 20 minutes, je le regardais genre, comment tu fais? Et en plus, donc, ouais, t'étais avec lui, c'était pas genre t'as reçu les bandes, etc. Non, on était ensemble, mais c'est, pour moi, c'est une référence, et voilà, c'est ça, c'est un génie, il a un don de ouf, je crois qu'il a 41 ans, là. Donc il a du métier. Tu peux rajouter quelques mois peut-être. Avec Snoop on sait jamais vraiment. Ouais, on sait pas. Des dates officielles, des dates. Même lui il sait pas, je pense qu'il sait plus non plus. Donc un bon moment partagé avec lui. On va en reparler évidemment, on va reparler de ton parcours ce soir et toute la semaine entre 20 et 21, on va découvrir cet album. Toi ta musique, tu la qualifies comment, David? C'est quoi? C'est urban, ce qu'on appelle urban pop. C'est un mix parce que moi j'écoute vraiment de tout, que ce soit du rap, que ce soit de la pop. Mmh. Après c'est sûr que je fais un mix entre, j'aime beaucoup la soul et de plus en plus je pense que j'irai chercher vers la soul dans tout ce que je vais faire dans la musique. Mais je pense que cet album est très proche du pop urbain. Mais entouré en plus de gens issus justement de cette culture urbaine, puisque j'ai cité quelques noms, évidemment Snoop, mais ici en France Dry, ouais. Mokobé, ouais. T'as bossé avec Tunisiano aussi sur certains titres. Et le CK. Et le CK aussi, qui est présent. Qui est présent, avec Skalpovic aussi, qui a fait le titre Tout recommencer. Ouais. Bah, en fait, c'est la plupart, je dirais même tous, c'est tous des gens qui c'est des références pour moi dans la musique. Et certains, ou une grande partie, ouais, je pense, c'est devenu des références humainement aussi, tu vois. On a partagé vraiment un bon délire sur l'album et on s'est bien amusé. Bon, bah, le résultat est là, et le résultat, tiens, on en a fait un medley. Écoute, ça, c'est le medley de ton album qui s'appelle Tout recommencer et qui est dans les bacs depuis le 25 août. David Carrera on Planète Rap. Planète Rap, check it out. On Skyrock. David Carrera, Planète Rap. Je ne marche pas. planet rap. Carrera d'avis. On garde la tête haute et ça quoi qu'il arrive. On s'entraide entre nous et ça nous suffit. Oh oh oh oh oh oh oh. Obrigado la famille. Obrigado la famille. Bon, ça va, il est validé le medley. Ça t'a plu de retrouver tous tes morceaux? Je pense qu'il est validé. Je pense que je vais le faire sur scène. C'est vrai? Bah, écoute, c'est une très bonne idée. Bravo. Alors, pour les bonnes œuvres, tu me les envoies directement, hein, pour le résultat de ce medley. Je vais parler à Warner. Je pense qu'ils sont, d'accord. Ah bah, si on discute directement avec Warner, ce sera le double du prix. Bon, tout va bien pour toi, David? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es bien? Je suis très bien. Est-ce qu'on fait un petit CV express pour les gens qui vont? Alors, il y a une team qui est incroyable, qui est là, hein, qui te suit dans le studio et aussi à la radio, parce que je vois des messages, ça n'arrête pas de défiler. C'est cool. Avec le hashtag David Carrera sur Skyrock, vous pouvez balancer. C'est vraiment super, Jess, Tara Mori. Je t'aime, merci, merci Tara, c'est cool. Super ce medley, voilà, vous continuez à envoyer les messages, allez-y. Donc David, si on fait un petit CV express, toi t'es né ici en France. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a une première partie de ta vie artistique qui se passe du côté de tes origines, au Portugal. Ouais. Parce que dans toi, un papa chanteur, quand je dis papa chanteur, c'est Michael Jackson du Portugal. c'est un Michael Jackson un peu différent. Oui, je pense. Bon, c'est pas, il fait pas de moonwalk. Non. Je pourrais lui demander de tester, on sait jamais. Mais c'est vrai que t'as grandi en tout cas dans cet univers-là, c'est une famille de musiciens. Ouais. Bah en fait, je suis né dans le 91. Je suis reparti au Portugal quand j'avais 10 ans. Donc j'ai appris à parler français d'abord, et toute ma culture musicale, c'est une culture française en fait. Mais après j'ai commencé à parler portugais, et j'ai fait le reste de 10 ans jusqu'à 20 et quelques au Portugal. Et mon père, il a commencé à avoir un peu de succès au Portugal à l'époque, et petit à petit. Donc toujours entouré de musique, entouré de chanteurs à la maison, de guitaristes, etc. Et papa, voilà. C'est Tony Carrera, hein, je dis ça pour ceux qui veulent aller cliquer, voir un petit peu le genre musical. C'est un mix entre du Johnny Hallyday avec du Aznavour. Voilà, donc c'est vrai que Michael Jackson, c'est peut-être un peu parti. T'es parti loin, je pense. Un peu loin, peut-être, sur le Michael c'est Jackson. C'est pas dans le même genre musical. C'est autre chose. C'est Jackson Aznavour. Ça t'a apporté quoi justement? Est-ce que quand on a 15-16 piges, qu'on a un papa qui chante et qui est connu au Portugal énormément, est-ce que toi t'es justement dans le côté rebelle en disant putain jamais je ferai cette musique, ou il y a quand même un respect, moi j'aime beaucoup ce que mon père fait, parce que moi j'aime beaucoup la musique en général, donc autant j'aime beaucoup Aznavour comme j'aime beaucoup Tupac et etc. Mais c'est sûr que je voulais pas être chanteur parce que j'avais déjà un musicien dans la famille. Et je voulais faire différent, donc je voulais être footballeur. Ouais, t'as fait d'ailleurs du football. Ouais, pas mal. J'ai fait jusqu'à pro en fait. Jusqu'à pro, mais ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Deux pieds gauche, donc fallait arrêter, je pense. Hein. Centre de formation du Sporting que tout le monde connaît évidemment, Sporting Portugal. Sporting et Club du Portugal. Si tu connais, il y a un foot aujourd'hui. J'ai des bonnes fiches. et voilà, donc je voulais pas faire de la musique, et petit à petit, c'est le destin, j'ai fini par. Pas rentrer dans la musique et écrire des petites chansons tout seul dans ma chambre. J'ai fait mon premier album Portugal avec Tefa. Voilà, avec Tefa qu'on avec connaît, qui a bossé avec Diam, et tellement d'autres. Et voilà, je pense que c'est grâce à Tefa, grâce à ce premier album que j'ai réussi à être ce soir ici avec toi. Et regarde qui arrive pendant qu'on parle de musique. Monsieur Mokobé qui est présent d'ailleurs sur ton album. Bah ouais. Et voilà. Mokobé qui est là avec nous, qui fait son entrée dans le studio. Donc saluer tout le monde, Moko. Ça va bien? T'arrives jusqu'à moi enfin. Tranquille. Ça va bien? Allez, Mokobé, est-ce que Mokobé fait partie de tes souvenirs? Alors attends, 91, t'es resté 10 ans en France avant de partir au Portugal, donc t'as dû connaître les premiers albums du 113. Bien sûr. Truc de fou. 113, Mafia Quinfri. Aïe. J'ai connu tout ça. Aïe. Ça te parlait déjà toi à l'époque ou pas? Ça fait partie, bien sûr. T'avais 10 piges quoi, 10-11 piges. Ça fait partie de mes références. C'est pour ça que c'est un honneur de pouvoir partager un Planet Rap avec Mokobé et surtout partager un titre avec lui. Bah de même, super content. Parce que déjà, nous on l'a connu avec Obrigado, avec Dry. Ouais, avec Dry, ouais. Qui est notre frérot, qui fait partie de la mafia qu'un free. Et j'étais agréablement surpris parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu, tu vois, un chanteur vraiment R&B pop avec de la classe, avec de l'attitude, tu vois. Et voilà, le mec, il est pas black, il est pas beurre, il est là, c'est un portugais. Il est portugais. Et nous, le 9-4 et le Portugal, ah bah, c'est une grande histoire d'amour. Parce qu'il y a vraiment, il y a énormément de Portugais, on a grandi grave. Toi, t'as vécu dans le 9-4 dans 91, toi, t'étais. J'habite dans le 9-4. Ah, bah, pardon, bah, tu vois. Voilà, c'est un Portugais en plus, là-bas, tu vois. Voilà, et donc, c'est la famille. Et donc je suis très content d'être dans ce projet-là et voilà, c'est un artiste très talentueux. Voilà, il est là, il a tout l'avenir devant lui. Il est hyper talentueux et grâce à lui, j'ai plein de nouveaux followers de partout. Beaucoup de jeunes filles, laisse-moi deviner. Beaucoup de jeunes filles, non? Ouais, de ouf. Tu vois, donc c'est cool, c'est bien. Bah écoute, le morceau, c'est très bien. Il est lourd, donc super content d'être sur cet album-là. En tout cas, voilà, ceux qui nous écoutent, allez vous le procurer. C'est du très très lourd. On peut dire que c'est Doudé. C'est Doudé. C'est du portugais, mais voilà, c'est Doudé. Voilà. Et il parle un peu plus en allant vers le Portugal, ouais, Mali. J'ai essayé dans le morceau. Ouais. J'ai dit ça rigole pas, il a pris bon, des cours. On écoutera le morceau, peut-être que vous le ferez en live d'ailleurs, le rendez-vous, ouais. On l'écoutera, on verra dans quelques minutes. Mais là on débute avec le titre avec Snoop. Ouais. Allez, visez le chaos. C'est parti, David Carrera sur Skyrock. David Carrera, Big Snoop Dogg. We doing this one for the kids. All love, peace. Ja! Rastafari. Derrière les airs invincibles de nos héros tranquilles, y'a toujours le même chaos, les mêmes moments difficiles. Et quand c'est à moi d'avancer, faire vont mes pensées. Ces géants qui me donnent l'espoir, la force et l'envie d'y croire. In the streets, all drama free. So slick and so quick, but I'ma do it honestly. Inspired, uplift the youth. Lead with direction, speak on the truth. Moi, médaillé, a eu peur de tomber. Un pagino du mauvais scénario. Sur un terrain au ring, Jordan Jackson, Luther King. Et comme eux, je me suis dit, yeah, I have a dream. Da, da, da. Dude. Yeah, Skyrock. Like this. Big Snoop got game to obtain for real though. Come here though, do what I feel though. Turn it up loud, so I can go ahead and break it on down. Tap tap ta-da. Frapper, viser le chaos. Gagner sa place en haut. Frapper, viser le chaos. C'est tout ce qu'il nous faut. C'est David Carrera, notre invité toute la semaine avec ce morceau aux côtés de Snoop Dogg à l'instant. Gros morceau de l'album. L'album est dans les bacs depuis le 25 août. Mokobé nous a rejoint et puis un autre arrivant dans le studio. Ouais. Un retardataire. Habituel. Non, j'ai pas l'habitude, arrête de mentir. Monsieur Tunisiano qui est là aussi. Alors un petit mot David sur Tunisiano. Il a bossé avec toi sur l'album. Bah c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi c'est une référence aussi. Et pouvoir partager cet album avec avec plein de références qui ont bercé en fait toute mon éducation musicale, c'est super. Donc je lui ai déjà dit, et quand on était ensemble en studio, je lui ai déjà dit, pour moi c'est un honneur de pouvoir travailler. Donc il a écrit avec toi avant, c'est ça? Voilà. Vous avez bossé ensemble sur la partie exactement, écriture. On a travaillé sur deux titres. Et je suis très content, je les ai réécoutés, je les avais pas écoutés mixés et ça m'a fait kiffer. C'est lesquels les morceaux avec Tunisien? Non. Et bah c'est Rien à envier et Amnésique. Voilà, et c'est les morceaux préférés de toute la bass fan, donc c'est cool. Voilà. Et ben vous le ferez, tu le feras en live ce morceau justement, Rien à envier. Ouais. Tout à l'heure avant la fin de l'émission. Par contre, petite anecdote. Alors, t'as dû en faire des planètes rap quand même. Ouais. T'as dû en voir des rappeurs. Hein, faut dire la vérité. Je crois. Mais la vérité, c'est la première fois que je vois autant de meufs dans le studio. Ouais. C'est vrai, un peu lycée. Ah ouais, quand même. Vraiment, c'est vrai. C'est ce que tu sais quoi, c'est vraiment Mokobé d'utiliser ça. Il y a deux secondes sur le morceau. Viser le chaos. Mais vraiment, ça fait plaisir. Ah ouais, grave. Ça fait plaisir. Tu vois que des têtes de pirates, des mecs comme. Ah ouais, vraiment. Là, c'est la classe. C'est du lourd. C'est vrai, il y a une bonne odeur de parfum qui se mélange. Totalement, c'est fort. Il y a un truc particulier. Bon, tout va bien, Tunisiano. J'ai vu que t'étais de retour en Tunisie là dernièrement. T'as fait un petit tour. J'ai vu les photos. Ça c'est normal. C'est le de blesse. Comme si tu disais à Mokobé, c'est d'aller au Mali. Bah oui. Toi aussi, t'étais de retour du Mali? Non. Moi, j'étais à Marrakech. Je suis resté 2 semaines et demie là-bas, mais je vais bientôt partir au Mali. Très bien. Bon, et tout va bien. Ça bosse dur. Et toujours l'album dans les bacs. Exactement. Le morceau de Mokobé aussi, c'est Doudé qu'on peut retrouver. Voilà, c'est Doudé avant l'album au mois de février. Puis là, on est là pour le spécial album de David Carrera. Ouais. Exactement. Donc voilà, super content d'être dedans. On va passer de bonnes fêtes. Oui. Voilà, une bonne année. Ah, t'es déjà en avance sur les fêtes, mais t'as raison. Voilà, c'est super. Non, mais c'est cool en tout cas. Et puis voilà, on s'est même agréablement surpris d'avoir attrapé Snoop. Comment t'as fait pour attraper Snoop? C'est lourd ça, frère. C'est 1 kilo de bœuf. Minimum. Wiz Khalifa, c'est 2 kilos. 2 kilos, non. Oui, parce qu'on n'a pas dit, mais il y a sur l'album, il y a aussi, quelque part, il y a Wiz Khalifa sur l'album. Il y a un sample de Wiz. Il y a un sample de Wiz Khalifa. Donc voilà, entouré Wiz Khalifa, Snoop. Donc voilà. Ouais, ça a lâché quelques cargaisons. Elle est bonne au Portugal. Hein, il y a un accès direct, Porto. C'est un peu de morue à l'intérieur, c'est tout. Porto LA, quoi. Un peu de bacalao. Ah, on peut aller sur les vannes portugaises, on peut y aller. Tranquille. Très bien. Je suis expert. Allez-y, balancez vos messages avec le hashtag David Carrera sur Skyrock. Tiens, petite question sur David Carrera et notamment sur ce qu'on raconte sur toi sur le net. Je sais pas si tu vas beaucoup sur le net. Ouais. Est-ce que tu lis tout ce qui sort sur toi? J'aime bien être un peu. Savoir ce qui se passe, autant sur Facebook, Twitter, Insta. Donc ouais, je suis assez. Et bah là, écoute, tu vas me dire vrai ou faux, parce qu'il y a aussi tout et n'importe quoi. T'es d'accord sur le net, hein, on sort tout et n'importe quoi. Donc petite rubrique vue sur le net. Donc par exemple, aujourd'hui, on a vu que tu as déjà joué contre Cristiano Ronaldo en équipe de jeunes au foot. Vrai ou faux? Faux. J'ai déjà joué avec lui, mais pas en équipe. Mais pas en équipe jeune. Pas en équipe jeune. Mais c'est vrai que t'as déjà joué avec Ronaldo. Ouais. Je lui ai appris quelques petits trucs. Non, c'est rien. C'est le coup du foulard. Le coup ça, du foulard. Ah, le petit coup de. Je peux pas le dire, mais c'est des trucs que moi je connais, qu'il y a peu de gens qui connaissent au foot. Et je pense qu'il s'en sort bien, il a appris des petits trucs. Pas mal, je crois que il s'en tire pas mal. Il m'appelle de temps en temps. Il t'a fait des conseils pour la chanson, lui, par contre Non. D'accord. Vaut mieux pas. Bon, deuxième vrai ou faux, vous sur le net. Il paraît que M. Pokora, qui est dans le jury de Danse avec les stars, a refusé que tu fasses l'émission. Je fais pas la moindre idée. Mais je pense pas. Parce que c'est vrai qu'on avait parlé de toi dans Danse avec les. Alors, tu l'as fait au Portugal. Ouais, je l'ai fait au Portugal. La version portugaise. Ouais, la version Danse avec Carlos. je rigole. Obrigado. Je rigole. Comment on dit en portugais dans sa question? Ah, bonne prêt. Question. Ouais, vas-y, j'y reviens. Dis pas qu'il y a des cheveux parce que c'est toujours, non, c'est on dit toujours ça quand même. C'est en rebeu, c'est pareil. C'est vrai que il y a plein de trucs. Comment on dit chaussures en rebeu? Sapato. Sapato en portugais. C'est vrai? Ouais. Ah, bah, il y a des. C'est pareil, hein. C'est Portugal, c'est Tunisie, même combat, hein. Totalement. Et bah, Danse avec les stars. J'ai fait un mix là. Danse avec les stars au Portugal, c'est Dança com Estrelas. Voilà, allez, répète après moi. Donc, je gauche toi. Voilà. Ah, c'est bien, progresse vite en portugais, tu me disais. T'inquiète, j'ai plein de potes. Donc, c'est faux, tu sais pas s'il a pas voulu parce que. Non, bah, en fait, je fais pas la moindre idée, mais je pense que non. Je pense que il a sa carrière et. Mais est-ce qu'il y a une petite concurrence entre vous deux? Parce que vous êtes sur un créneau qui peut être parfois. Alors, lui, peut-être un peu moins urbain que toi maintenant, mais. Sincèrement, je pense pas. Je pense qu'il a sa carrière, il est bien placé, ça fait des années qu'il est là, donc. Je pense qu'il a pas besoin de faire ça. Bon, alors vrai ou faux, tu as fait une licence d'économie à la Sorbonne? J'ai failli. Et ça a merdé. C'est à Lisbonne. C'est pas Sorbonne, c'est Lisbonne. En fait, on sait, donc il y a une partie qui est vraie. Une partie... Non, j'étais un bon élève, mais après j'ai fini mais ça n'a pas fait. Très bien. Vrai ou faux, tu recherches une nana et tu t'es inscrit sur Smax afin de trouver une blonde brune, petite ou grande, indépendante et avec de l'humour. Vrai. Ah. Donc tu recherches, t'es en pleine recherche. Ouais, je suis là, je suis en... Et enfin, vrai ou faux, tu te qualifies comme chanteur urbain, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de rappeurs sur le projet, le CK, Tunisiano, Mokobé et plein d'autres. Vrai. Voilà, vrai. C'était pour ce petit vrai faux vu sur le net. Il y aura encore d'autres choses toute la semaine, t'inquiète pas, David. Non, mais c'est cool, je suis vraiment heureux d'être ici. Et ben pareil, on est content de te recevoir. Est-ce qu'on mettrait pas d'ailleurs le morceau comme Yamokobé, le morceau Rendez-vous? Ouais. Tout de suite, oui. Avant la pub. Bah oui, rendez-vous. Est-ce que tu as une petite annonce à faire sur ce morceau, un petit truc à dire? Bah lourd, très très lourd, c'est le rendez-vous de la night. C'est les princes de la ville, princes de la nuit. Donc voilà, avec quelques petits mots en portugais, parce que voilà, on a grandi avec des portugais, puis on avait fait 113, on avait fait une grosse tournée au Portugal. Mmh. On avait joué à Lisbonne, Porto, Braga, tout ça. Voilà, on a joué, voilà. Et donc voilà, c'est la famille. Donc le morceau, il est très très lourd. Écoutez. Allez, on balance en exclusivité sur Sky. Et l'album est dans les bacs. L'album de David Carrère avec Mokobé tout de suite. Et la roulette qui va tourner, inscription 41759. On va tourner avant 21h. Se prépare aux quatre coins du monde, c'est la même histoire, même battement de cœur dans le noir. Tu veux nous tester, y a pas de problème. Les princes de la nuit sont devant toi. Shazam ne te sert à rien dans l'arène. Tu nous connais déjà. Le signal est lancé, et donc tous rendez-vous. Les princes de la nuit sont devant vous. Tu t'ennuies avant qu'on arrive à vous. Tiens, v'là nos bijoux, savoure. Même au bout du monde, on ira. Vous en mettez plein les yeux comme à Jumeira. Black and white, 24 carats, touche mes babes. Ma peau, c'est du cuir, j'y crois. Vamos a Dassa jusqu'à l'aube. C'est plein à fond dans la Sébastien Love. C'est la team Ken Flush, Royal Caritas. Estamos juntos, Moco Carrera. Tu veux nous tester, y'a pas de problème. Yeah. Les princes de la nuit sont devant toi. Aïe. Shazam ne te sert à rien dans la reine. Tu nous connais déjà. Rendez-vous. Où et à quelle heure ce soir? You got to put it on me. Yeah. Rendez-vous. Où et à quelle heure ce soir? You got to put it on me. Sur Skyrock. Vem bacha, yeah. C'est en portugais ça. Tout le monde vem bacha. Tout le monde vem bacha. Moco Carrera sur Skyrock. Yeah. Vous êtes prêts à chanter vem bacha ou pas? Rendez-vous. Les princes de la nuit sont devant vous. Rendez-vous. Put it on me. You gotta put it on me. Put it on me. Tout le monde. Vem bacha. Yeah. Vem bacha. Yeah. Mokobé. David Carrera. Sur Sky. L'album est dans les bacs. Tout recommencer. De la nuit. Les princes sont devant vous. David Carrera avec Mokobé, rendez-vous à l'instant. C'est extrait de l'album de David qui est dans les bacs depuis le 25 août. à découvrir cette semaine aussi entre 20 et 21. Et déjà, je peux vous l'annoncer, nous sommes 3e en TT avec le hashtag David Carrera sur Skyrock. Et c'est un véritable carton, merci, parce qu'on avait aussi juste Nicki Minaj avant avec avec Emmerich, donc elle est toujours numéro 2. Donc il y a Nicki Minaj sur Skyrock et David Carrera, mais je pense que tu peux la battre avant 21h. Ça tweet jusqu'au Portugal. Ah bah là, ça blague pas. Ça tweet jusque dans le 9-4, j'ai envie de dire. Grave. Mais tu sais que c'est vraiment incroyable, hein, le 9-4. C'est vrai. Ah bah, hein, c'est vrai. Ah, d'ailleurs, il y a une Tebois à Villeneuve Saint-Georges. Je sais pas comment elle s'appelle, mais franchement, j'avoue être. Obrigado, discothèque? Non, je sais pas comment elle s'appelle. Ouais, c'est vrai. Costa do Sol. Voilà, exactement. Il y a la Locomia aussi. Il y a la Locomia aussi. Ça, c'est la violente. Vraie boîte des Portugais, celle-là. T'as lourd. Déjà la faire, je pense. Ouais, je l'ai faite deux fois. Lourd. Très, très lourd. Dans la carrière portugaise, c'est Mokobé. Mokobé da Silva. Voilà. Il a sorti beaucoup d'albums au Portugal, Mokobé. Je te jure. Troisième, quatrième. Tu devrais que tu le fasses un de ces jours. De quoi? Un album en portugais. Ouais. Bah oui, il y avait bien Mon Afrique. Mon Portugal. On va voir. C'est vrai qu'il y a un vrai public, il y a quelque chose à faire. Tiens, regarde les messages, justement. Amis portugais, envoyez plein de messages, justement. Allez-y, avec le hashtag David Carrera sur Skyrock. On va revenir dans quelques minutes. Qu'est-ce qu'on mettra comme morceau? Est-ce qu'on mettra pas, tiens, justement, le Obrigado? Ouais, on peut se faire un petit Obrigado. C'est le premier single avec Dry. C'est vraiment, moi, Dry, c'est vraiment, humainement, c'est un vrai frère. J'ai pu partager avec lui le premier single de la scène et humainement, c'est un vrai artiste. Il est simple, il est humble et je l'adore par rapport à ça, parce que c'est vraiment un vrai artiste. Bon, peut-être qu'il nous rendra une visite cette semaine d'ailleurs. Ouais, je pense. Peut-être Dry. Bon, en tout cas, on te sort Mokobé avec nous, Tunisiano, qui est présent sur le projet. On va parler justement des morceaux que tu as écrit avec Tunisiano dans quelques minutes. Et petite question pour repartir avec l'album dédicacé de David Carrera. Cet album qui s'appelle Tout recommence, qui est dans les bacs depuis fin août. Petite question. Vous envoyez la réponse au 41-759, on en a parlé il y a quelques minutes. Dans quel club de foot a été formé David au Portugal? Simple. Je pense que c'est simple. C'est assez simple. Vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez 41-759 et on revient après ça. Comme toi, David Carrera a choisi Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. David Carrera, toute la semaine entre 20 et 21, c'est son premier Planet Rap. T'étais venu en effet avec Tal, mais là c'est ton premier pendant une semaine. Avec ce soir, en plus, on débute bien. Tunisiano est là. Mokobé aussi. Oui. Bondé. Que de l'amour dans ce studio. Je t'âge bon. Ah, tu progresses de plus en plus, Tunisiano. T'inquiète, t'es bilingue. Tu vas pouvoir faire le prochain album au Portugal avec lui, hein, tranquille. Non, je viens de la force, moi, c'est tout, c'est bien. Bon, il y a quelques minutes, j'ai posé une question autour du foot et autour de ton club, là où t'as joué justement en club de formation. Et la réponse, elle est apportée par Diego de Bruxelles. On nous écoute jusqu'en Belgique. Diego. Bonjour Fred, bonjour David. Bonjour, ça va bien, Diego? Très bien, et vous? Eh ben écoute, on est content de t'avoir. Tu nous écoutes sur... Salut Tunisiano, salut Mokobé. Salut Mbo. Tu nous écoutes via le net, tu mates les images aussi? Absolument, sur Skyrock.fm, eh ben voilà. Il y a les images, ou alors sur l'appli Skyrock, vous pouvez mater le Planet Rap de David Carrera. Et toi Diego, donc j'ai posé une question, quel a été le club de foot, le club formateur de David? Alors c'est le Sporting Club de Portugal. Parfait, tu repars avec ton album dédicace, on te l'envoie rapide. Ah c'est cool, Diego. Ça fait super plaisir. Tu vas retrouver tout l'univers de David Carrera sur cet album. Merci beaucoup Fred et merci beaucoup David. Et bon courage pour l'album. Merci beaucoup Diego. À bientôt Diego. Un grand plaisir. À bientôt, ciao. Et merci à vous. Ciao. On va écouter justement un extrait de cet album. Qu'est-ce qu'on met maintenant David comme extrait? Bah je pense qu'on peut se mettre... J'avais dit Obrigado. Ouais. Mais on peut mettre autre chose. Non, on peut mettre Obrigado. Obrigado. C'est le premier single. Bah ouais, on en parlait avec le mec, il te demande qu'est-ce que tu veux mettre, David. Après, il dit ouais, mais Obrigado. Mais oui, parce que dit Obrigado. Parce que moi et mon petit cerveau de poisson rouge, je me suis rappelé qu'avant la pub, j'avais parlé du titre Obrigado. On avait parlé de Dry. Eh ben, faut que t'écoutes un titre dans l'album qui s'appelle Amnésique et qui parle de ça, tu vois. Ouais, ça t'ira bien. Je préfère écouter celui avec Snoop. Ça me parle plus. Ça me parle plus, celui avec Snoop. Ça doit être ça en fait, où j'ai perdu. Bah, tu commences avec celui de Snoop, après tu passes sur Amnésique. Et bon, on va parler aussi dans un instant d'Amnésique. Bougez pas, là c'est le morceau Obrigado avec Dry. Yeah. Carrera David. D-A-Y. What you be? Obrigado la famille. Tous mains dans la main depuis qu'on est gamins. Unis pour toute la vie. Rien ni personne ne nous séparera. On n'a pas toujours les mots. Pour se dire je t'aime. Accepte comme je suis. Chaque fois que je vous vois, je sais que vous faites partie des biens. Chaque fois que je vous vois, je me sens chez moi, je me sens si bien. On garde la tête haute et ça quoi qu'il arrive. On s'entraîne entre nous et ça nous suffit. Oh oh oh oh oh oh oh. Obrigado la famille, on s'entraide dans la famille. J'amène toucher la farine, quitte à galérer rue Staline. On s'installe si les cœurs s'alignent. Le courage mieux que l'argent, donc on agit, n'use pas de salive. Désolé monsieur l'agent. Mafia africaine, l'emblème. Ensemble on a tout fait. Ensemble on a douté, à s'en dérouter. Soudés comme des siamois, jamais on ne se fie aux lois. On sent comme des rois, même dans la merde, tant qu'on est sous un toit. Ne simule pas l'amour entre nous. Pas de bluff chez nous et pas de bol. Si vous êtes contre nous, on stresse contre vous. C'est chaque fois que je vous vois, je sais que vous faites partie des biens. Chaque fois que je vous vois, je me sens chez moi, je me sens si bien. On garde la tête haute et ça quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. On s'entraide entre nous et ça nous suffit. Obrigado la famille. Obrigado, obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado la famille. On garde la tête haute et ça quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. On s'entraîne entre nous et ça nous suffit. On garde la tête haute et ça quoi qu'il arrive. La tête haute. La famille. Oh oh oh. Obrigado à Skyrock. Obrigado à Skyrock. Yeah. Obrigado la famille. Obrigado la famille avec Dry à l'instant et David Carrera sur Skyrock entre 20h et 21h dans Planète Rap. Ça y est, je regarde en tété, tu viens de dépasser Nicki Minaj à l'instant même. Ouais, c'est bon ça. Et ben alors. Et ben. On la voit de dos, Nicki. Et ben. On la voit bien. Pas mal. Numéro 2 pour l'instant en tété. On peut aller plus loin encore. C'est qui gagne numéro 1 là. Alors attends, je vais te dire ça. C'est citer la ville de ton bled. Cite la ville de ton bled. Des fois, il y a des trucs bizarres. Cite la ville de ton bled, tu pourrais citer. Je sais pas. Ok. Lisbonne. Lisbonne. Dourdan. Dourdan aussi, puisque tu viens de Dourdan. Ouais, c'est ça qui est premier pour l'instant. Mais je pense que si on se mobilise, ça va pousser. Ça va pousser. On peut y arriver. On peut y arriver. Avec le hashtag David, David Carrera sur Skyrock. Mokobé est là, Tunisiano aussi. Parlez-nous de la façon dont vous avez bossé d'ailleurs tous les deux. Toi, t'as écrit, donc il a fallu que tu te plonges un peu dans l'univers de ce qu'il faisait. Tu l'as rencontré. Ouais, en fait, dans un premier temps, on s'est rencontrés, on a sympathisé, et très bon feeling, tu vois. On est un peu dans le même délire, même si je fais du rap et lui il fait du. Tu te qualifies comment en fait? Tu fais du R&B, de la hip-hop, pop urbaine. Ouais. Pop urbaine, c'est ça. Donc voilà, on a je fais du fado en fait, c'est ça. Ouais, c'est... et puis après, il m'a proposé une prod qui pour le fameux titre Amnésie. Après, on s'est retrouvés en studio, on a travaillé à plusieurs reprises, on a trouvé les mélodies, on a construit le titre très naturellement. Et toi, c'est pas la première fois que t'écris d'ailleurs pour d'autres. Non, j'ai écrit pour. Je commence à me diversifier un petit peu là-dessus. Mmh. Je travaille avec pas mal d'artistes et franchement, c'est un vrai kiff, tu vois. C'est vrai. Ouais, c'est pas mal. C'était une super aventure parce que moi, j'aime bien. Et... Quand j'écris un texte, j'aime bien mettre quelque chose, des images, tu vois, très clip. Et on a partagé un peu ce délire-là dans l'écriture. Et je pense, moi, je me suis vraiment bien amusé. Voilà. Et après, pour le titre Rien à envier, en fait, j'étais là en studio, ah ouais. Et j'avais une idée de mélodie, une idée de titre que je lui ai fait écouter. Et ça a collé. Et puis il a kiffé, direct. Il m'a dit, ouais, non, ce titre, j'aime bien. Et... C'est fait comme ça. Et ben on écoutera peut-être un morceau dans quelques minutes aussi qui a été signé par Tunisiano. Ouais. Où tu nous feras du live aussi. Il y a rendez-vous en live avec Mokobé. Ouais. Rien à envier. Bah tiens justement. entre 20 et 21. Ça arrive dans quelques minutes. Et là, par téléphone, il est grand temps de passer au freestyle de Little de Nancy. Salut Little. Ouais, salut, ça va ou quoi? Ça va et toi Little? Ça va. Et je te présente un peu tout le monde. David Carrera, Tunisiano, Mokobé. Ouais, salut, ouais, Little. Je connais. Et toi Little, salut. Et t'as 1 minute 30 pour tout défoncer. Sinon au bout d'une minute 30, t'entendras ça. Ça et va. La trappe s'ouvre. Et c'est fini. Alors t'es KO. Visez le KO. T'aurais dû faire ça depuis longtemps. Hein. Sur les bons conseils de Mokobé, désormais vous avez 1 minute 30 pour tout déchirer. Aïe. C'est parti, on y va, Little? Ça marche. Allez, on y va. Yo, Little Omar avec Frangin. Yo, bordé par mon insomnie. Je rêve de vacances au soleil, monotone, telle est la vie. Je veux une vie à la truelle, non déconne, ha. Mon quotidien me va très bien, à gratter mes petits poèmes et mener une vie bien sereine. Moi, je vis à la cool. Si mes blèmes promettent plus, j'ai si encaissé les coups. Et je suis pas carré comme Hulk à la somnolence qui me guette. Je suis refait pour la semaine, allez direct sur le lycée. Putain j'écris encore, je vois plus le temps en passer. Quand j'ai la tête dans mon bloc-notes, alchimiste de la rime, c'est la plus belle des écritures. Je grave des 7 tous les quarts d'heure, voilà ce que mon style va endurer. Je débite et puis j'écris dans ce putain nom de maladroit. Je suis qu'un dieu, un chien, avec le frère j'ai d'Aronda. Libre comme l'air, je ne rêve pas de gros salaire. Je veux une vie posée, avec un âme à fond d'elle. Ici, aujourd'hui je fais une dédicace aux miens qui m'ont fait sourire. Même quand j'allais pas bien, je reconnais les vrais amis, ceux qui traitent pas comme des chiens. Là j'ai fait un peu le tri, enfin c'est des mecs qui servent à rien. J'arrête pas d'écrire pour déclarer ma haine dans mon petit corps sensible. Y'a des peines que je promène dans mes jours d'insomnie. La symphonie me hante, les sons qui sont sortis ont rendu fier mes parents, c'est que je suis. Écoute, je vais te le dire, un lycéen averti sur les cadences économiques. Donc mon discours est sociable comme un vendeur à la sauvette. Moi je suis prêt à tout comme un chat pour une barrette. Aujourd'hui j'ai que 15 ans mais j'écris mes propres vers. Je gère dans ce domaine comme un postron sur la bouteille. Donc sur ces rimes t'as discerné qui je suis. Un jeune amoureux de la musique qui ne pense pas au showbiz. Ouais moi je barre tranquillement sur un sample apaisant. La mélodie m'emmène sur des pensées éphémères. C'est que je suis déjà expliqué dans beaucoup trop de textes. On s'est trop pris des mesures. Ça il botte m'a eu ce que je suis. Et ma vie une route semée d'embûches qui m'ont parfois fait tomber et ensuite me relever. C'est que je suis, oh. Pile poil une 30 pour Little. Bravo, carré, précis, efficace. Bravo à toi Little. Merci. T'as une petite dédicace à passer? Ouais, je fais un gros big up à mon crew en fait, Teacher Clan, allez sur Facebook. Je fais un big up à mon lycée, Marie Marvin à Tomblaine. Je fais un big up à Mook, je fais un big up à Zep, à Mister Flash, à tous ceux qui me reconnaîtront. Franchement, ça fait plaisir que je sois passé. Et puis, bah, big up à tout le monde. Et on peut te suivre sur le net, Little? On peut te retrouver? On peut me retrouver sur le net. Donc, par exemple, j'ai sorti un nouvel extrait de ma mixtape sur YouTube. Donc, c'est Little, j'arrête pas. Donc, c'est un son pour les rageux en fait, que j'ai fait il y a pas longtemps. Que j'ai sorti. Ah bah il va parler à plein de monde. Donc voilà. Et je sors une mixtape sur CD dans pas longtemps que sur CD. Et j'ai sorti un EP en téléchargement libre SoundCloud avec mon crew qui s'appelle Omniprésence. Donc allez checker ça. Et tout ça c'est Speaker Clan. Bien. Et bah écoute, bon courage pour la suite en tout cas Little. Ok bah merci. Reste avec nous, le Planet Rap continue avec David Carrera. Qu'est-ce qu'on fait? On met un morceau et t'attaques le live après, David? Ouais, je pense qu'on peut faire ça. Mokobé, tu avais peut-être quelque chose à nous dire. Je vois que... Non, ouais, j'ai demandé comment on dit jaloux vont maigrir en portugais. Et alors? Bon, apparemment, on dit... Il y a cours de... Os vingesos vao emagrecer. T'as bien dit maigrir. Allez, jaloux ouais, vont maigrir. C'était quoi, une vege... Ah ouais. Une vingesos? Une veron rose? Une vejose. Une vejose. Him just vao et magresser. Voilà. Tout se passe dans l'os. Voilà. Le prochain t-shirt en portugais. Ouais, c'est ça. Avec. Tu rigoles, je vais le faire. Hein. Bientôt en vente dans tous les marchés. Attends. Du 9-4. Ah ouais. C'est un véritable carton. 9-4, là. Direct. Carton. Bon, on écoute un morceau. Quel morceau on met, David? On peut mettre Rien à envier. Rien à envier, très bien. Allons. C'est le morceau que vous avez écrit, ouais. Tous les deux, que Tunisiano a écrit. Ouais. Et comme ça, on aura un bon rendu. Si vous pouvez envoyer un max de messages pour voir si vous parle ou pas. Allez-y. Sympa. Allez-y avec le hashtag David Carrera sur Skyrock. Et David sera aussi en dédicace. Alors, je peux pas dire, on m'a dit, faut pas dire l'endroit. Mais c'est mercredi à 15h. Tu veux que je dise l'endroit? Mais c'est quoi cette annonce alors? Bah, Wal. Wal. Tu veux que je dise? Wal, non, mais on peut pas dire l'endroit. Mais bon, en même temps, Wal, c'est. Mais dis-le. Allez, ouais, c'est ouais, les flammes. C'est dis-le. Comme si je disais, je suis en concert. Bah, moi, vous arrangez avec Vlad. C'est Vlad, hein? Vlad. Val, c'est un autre. Que je produis. Ouais, c'est ça. Voilà, la transition. Bien joué, on va en parler dans un instant aussi. Et donc, bah, alors 15h, Fnac des Halles, et voilà, c'est fait, c'est mercredi. Ouais, c'est fait. Allez hop, tous pour aller voir David Carrera à 15h. On balance le morceau, rien à envier, allez-y, vos réactions tout de suite. Le hashtag David Carrera sur Skyrock. Qu'il me regarde, qu'il me voit, qu'il s'intéresse un peu à moi. Il me blesse, je ne comprends pas. Mais qu'ont-ils tous de plus que moi? Quand ils plaisantent, je subis, simple figurant de ma vie, gosse transparent, asservi. Ils m'ont rien compris, ils ne m'acceptent pas malgré mes tentatives. Ils me montrent du doigt, même si je me motive. Et comme à chaque fois, oui, je suis le seul fautif. Mais je sais, je n'ai rien à envier aux autres. Si je saute, est-ce que tu me retiendras? Je n'ai rien à envier aux autres. Je me nourris de mes fautes. Qu'importe si je me vautre. Si je saute, est-ce que tu me retiendras? Je ne suis pas assez bien pour vous. Éteint et jamais dans le coup. Pas à la mode. Coupable, pas dans l'écho d'un infréquentable. Je ne vous ressemble pas, c'est vrai. Sûrement pour ça que je vous effraie. Je reste l'ombre d'un grain de sable dans votre monde irréprochable. Ils ne m'acceptent pas malgré mes tentatives. Ils me montrent du doigt même si je me motive. Et comme à chaque fois, oui, je suis le seul fautif. Mais je sais, je n'ai rien à envier aux autres. Je me nourris de mes fautes. Qu'importe si je me vautre. Si je saute, est-ce que tu me retiendras? Je n'ai rien à envier aux autres. Je me nourris de mes fautes. Qu'importe si je me vautre. Si je saute, est-ce que tu me retiendras? Je n'ai pas commis de faute. Qu'importe si je me vautre. Je ne sais pas me déguiser. Épreuve, non, je suis la risée. Je n'ai rien à envier aux autres. Je me nourris de mes fautes. Qu'importe si je me vautre. Si je saute, est-ce que tu me retiendras? Je n'ai rien à envier aux autres. Je me nourris de mes fautes. Qu'importe si je me vautre. Si je saute, est-ce que tu me retiendras? Je n'ai rien à envier aux autres. Je me nourris de mes fautes. Qu'importe si je me vautre. Si je saute, est-ce que tu me retiendras? David Carrera, Tony San. Laissez vos messages. Yeah. La famille. Je n'ai rien à envier aux autres. Rien à envier à l'instant. Regarde Tunisiano, t'avais un petit doute. Regarde tous les messages qui défilent sur ce morceau. Le texte est magnifique, c'est l'une des meilleures. Rien à envier, juste parfaite, magnifique tout simplement. On peut pas ne pas aimer ce son. Ça arrête pas de défiler en même temps. J'arrive même plus à lire tellement. J'arrive pas à lire. Ma chanson préférée de l'album. Voilà, continue à envoyer des messages. Lourd, stylé. Top. Avec le hashtag David Carrera sur Skyrock. Tu es rassuré? Magnifique. J'adore. Ça va mieux? J'adore ce genre de message. Non, mais c'est cool parce que à la base le texte il est parti de. J'en parlais avec Bachir et je lui ai dit, moi quand j'étais petit, toi j'étais le petit bouboule, tu vois, qui au fond de la classe. Petit bouboule. Ah ouais, j'étais bouboule boutonneux. J'avais les deux, moi. Il m'a dit, et toi tu seras dans la merde. Ça aide de faire du foot. Hein non. Et en fait, j'étais genre le môme au bout de la classe, tu vois, perdu. Pas d'amis. Qui rien. Qui n'ose pas parler aux filles, tu pas vois. De vie, pas, d'amis, pas rien. De vie, pas d'amis, tu vois. Que ses boutons pour le soutenir. Et voilà, je voulais parler d'un titre qui dit, en fait, tes défauts, c'est ce qui te rend différent. Et c'est ce qui fait que t'es une personne différente avec une originalité. Et je pense que ce titre, il parle de ça. Il parle de j'ai rien à envier aux autres, je suis comme je suis, et vous avez qu'à m'accepter de cette manière-là, en fait. Et regardez tous ceux maintenant, regardez ceux qui sont en train de mater l'émission, qui disent putain, j'ai plein de boutons, c'est fini. Regardez ce qu'il est devenu. Voilà, tu vois, Claire Asile, le mec qui fait de la pub. Quels sont les conseils pour devenir si vous avez des boutons, petit gros, fond de la classe, quel conseil, David? Un peu de foot, quand même, un peu de sport. Alors, si les agents de Claire Asile m'entendent, ça marche. Ça marche. Fait du placement le produit dans le clip, ouais. Produit. Trop fort. Biactol. C'est ça dans le clip, rien à envier. Oh, je pense qu'on a Vlad, je pense qu'on a une idée là. Ah là, il y a une super idée là. Non mais un petit conseil, c'est quoi? C'est pour se sentir mieux. Bah déjà le sport, c'est super. Moi, le fait d'avoir fait du foot, ça m'a c'est super le sport. Le portugais qui ressort de temps en temps, ne vous inquiétez pas. Le truc qui ressort de temps en temps. Le fort. Non mais c'est super là les. Putain, tu m'as foutu là. Je peux plus parler, c'est fini. Ça arrive, t'inquiète avec pas. Avec l'expérience de danse avec les stars là. C'est super, ça te prépare physiquement, tu te sens mieux, et je conseille à tout le monde le sport. De faire danser avec les stars. Allez tous le faire. Allez frapper à la porte de Thème. Faire du foot, ou du faire de la danse, ou quel que soit le sport. Merci pour ce petit conseil beauté, David. Merci. C'était très important de l'avoir. Et avant de se quitter, on va finir avec un live peut-être. Ouais. Tout recommencer. Bah si tu le dis. Eh ben on y va, c'est extrait de cet album qui s'appelle aussi Tout recommencer, qui est dans les bacs depuis fin août. Et tous vos messages, vous les balancez sur ce morceau avec l'hashtag David Carrera sur Skyrock. Yeah. Sur Skyrock. Tout recommencer. La dernière seconde vient toucher le fond du sablier. Il ne me reste plus que le passé pour continuer de rêver. Au pire des moments, le gong a sonné. Je gère le temps pour te retrouver. Tiki tiki tac tac, tiki tiki tac tac, tiki tiki tac tac. Mon temps est compté. Tiki tiki tac tac, tiki tiki tac tac, tiki tiki tac tac. Comment avancer? Mon temps est compté. Comment reculer? Tout recommencer. Yeah. Même si je te sens partir ailleurs, entends-tu l'écho de mes mots? Je ferai de chaque jour une éternité. Oublier que passent les minutes et les heures, j'empêcherai les aiguilles de tourner. Je déjouerai le destin pour te ramener. Au pire des moments, le gong a sonné. Je gérerai le temps pour te retrouver. Tiki tiki tac tac, tiki tiki tac tac, tiki tiki tac tac. Mon temps est compté. Tiki tiki tac tac, tiki tiki tac tac, tiki tiki tac. Comment avancer? Mon temps est compté. Comment reculer? Tout recommencer. Yeah. Sur Skyrock. Comment avancer? Yeah. Mon temps est compté. Comment reculer? Tout recommencer. Yeah. Tiki tiki tac tac, tiki tiki tac tac. Tout recommencer sur Skyrock. Tiki tiki tac tac, tiki tac tac. Aka aka bo. Tiki tiki taka bo. Tiki tiki taka. Yeah. Tiki tiki taka. Tiki tiki taka bo. Mon temps est compté. Comment reculer? Tout recommencer. Yeah. Tout recommencer à l'instant, c'est aussi le nom de l'album en live. Merci. Avec nous, David Carrera. Et prod signé Scalp aussi, hein, tu le disais, ouais, Scalp qui a bossé aussi dessus. C'est le seul titre qu'on a fait ensemble sur l'album. Et voilà, j'apprécie beaucoup aussi. Et voilà. Et ben voilà. Et il y a encore plein de choses à découvrir sur l'album. Première soirée dans Planète Rap, demain évidemment tu vas revenir. On va saluer Tunisiano. Merci Tunisiano d'être passé. Merci à vous, merci de m'avoir invité. En tout cas, longue vie à David Carrera. J'espère que ça va tout bout. J'espère que son album il va déchirer, il va tout casser. T'as vu cette émission, on s'est applaudi. Toi qui viens souvent dans le Planète Rap, c'est fou. Hein. Formidable. C'est formidable, vraiment. Et ça glousse. Et ça glousse. Non, mais en tout cas, ouais, franchement, merci. Hein, je suis très content d'avoir travaillé avec toi. Et puis pourquoi pas, hein, à l'avenir, en tout cas, la collaboration, le feeling est très bien passé. Merci. Donc, en plus, si le titre il plaît, bon, c'est parfait. Bah, je pense qu'il plaît. Je pense qu'il y a vraiment eu ces deux titres-là, c'est les titres où il y a eu le plus de retours, je pense, sur l'album. Sans parler aussi d'Obrigado, le premier single. Mais il y a eu vraiment des très très gros retours. Et c'est des titres complètement différents. Il y en a un qui est plus émotif, plus sensible, et l'autre qui est fête, on va s'éclater, on va faire la fête. Donc je pense, je suis vraiment content d'avoir pu compter sur ces deux personnes qui sont là ce soir. Et Tunisiano qui bosse aussi sur tes projets. Et tu produis un mec là en ce moment. Exactement, je disais Vald, mais c'est un Vald. Un truc qui a rien à voir, mais bon, ouais, je produis un artiste qui s'appelle Vald. Je connais. Donc un jeune rappeur qui arrive, son EP il arrive le 27 octobre. Donc voilà, de toute façon vous entendrez parler de lui. Et bah, on suivra ça. Merci d'être là en tout cas avec nous. Merci Mokobé. Ben merci d'avoir été là. Merci. Alors applaudissements pour Mokobé. Ben pareil, de même, très content d'être là ce soir avec le frérot Tunisiano et d'être là avec le frérot David Carrera, d'être sur son album. Le morceau, c'est vrai que voilà, il est lourd. On a eu plein de super bons retours à travers les réseaux sociaux. Et donc voilà, et j'espère que l'album va vraiment cartonner. Il cartonne déjà. Donc à tous ceux qui nous écoutent, allez attraper l'album au plus vite. Hein, comme vous dites, Mokobé il est très fort là-dessus. Non, c'est vrai, il fallait le pécho, il a raison. Mokobé, tu peux pas lutter là-dessus. Non, mais il a raison, il a raison. Et n'oubliez pas. Je conseille à tout le monde, quand vous prenez des spots de pub, de prendre Mokobé pour la voix. C'est vrai. Parce que c'est vrai. Il peut vous faire tripler vos ventes. C'est vrai. Et info spéciale, mais ne le dites à personne, mercredi, dédicace à 15h, à la FNAC. Voilà, non, de chaque fois, mais ne le dites à personne. Mais on dira pas c'est où. On vous dit pas c'est où, on vous dit c'est pas. Suivez les réseaux sociaux, on vous dira peut-être tout à l'heure. Voilà, on vous dira peut-être tout à l'heure. Et toi, Moko, il y a aussi le projet là, c'est Doudé dont c'est un peu trouvé. Ouais, c'est Doudé, tranquille, on a eu des super bons retours. Et là, je balance le premier gros single très bientôt. Et puis voilà, il y aura l'album au mois de février. Et puis il y a l'album d'LECK justement, qui est aussi dans l'album, qui est mon artiste qui va arriver. Il y a plein de choses qui vont arriver. Il y a mon frérot Mo Black ici présent, Quincy, qui arrive très très lourd. Ça va faire mal. Donc voilà, on est ensemble. Merci Fred, merci Moko, merci David, merci vraiment. Mais nous on te le dit parce qu'on a connu des Planète Rap. Je crois 113 snipers, on fait partie, on est dans les records. C'est pas mal dans les records. Je te jure, très très bien classé. On a testostérone. On a envie de dormir ici là ce soir. Vraiment, non mais on a envie de rester des heures et des heures. C'est vraiment tu classe. Peux, n'hésite pas. C'est classe et. Et pendant que t'es là, alors casser l'ambiance, mais je voulais aussi avoir une pensée pour Mehdi, DJ Mehdi, voilà, parce que malheureusement on a fêté l'anniversaire de sa disparition ce week-end, donc voilà, toujours quelqu'un qu'on n'oublie pas et toujours quelqu'un d'important pour la mafia Kinfri, pour l'histoire de la musique aussi. C'est vrai. On lui a rendu hommage. Les 3 ans et voilà, on l'oubliera jamais. Et on pense à lui. Merci à toi. Merci d'avoir. Et on pense à ses proches. Merci beaucoup. Merci Moko. David, tu restes encore un petit peu avec nous. On fait tourner la roulette et après on te laisse filer jusqu'à ton retour demain. Alors, qui a envie de jouer? Skyrock t'offre Sin City G, tu es pour elle, au ciné, plus ta nouvelle tablette tactile. Anaïs de Brest, ça va bien Anaïs? Oui, ça va, merci Fred. Ouais, je te présente David Carrera, Tunisiano Kela, Mokobé aussi. Salut Anaïs. Bonsoir tout le monde. Eh ben salut David. Salut, ça va? Je te connais peut-être, David. Oui, je l'ai vu quand il est venu à Brest, à la tournée FDJ. Très bien, eh ben voilà. Eh ben il est là avec nous toute la semaine Anaïs. Oui, j'ai entendu, c'est on cool. Fait tourner la roulette avec toi, dès que tu veux tu dis stop. Et des tablettes à choper, des places de ciné pour aller voir le film événement qui sort mercredi, Sin City, j'ai tué pour elle. Et ça va s'arrêter sur la case. Cette fois, ils sont allés trop loin. Et bah, c'est le film 4 places de ciné pour aller voir Sin City, j'ai tué pour elle qui sort mercredi. Avec une jolie fille à l'intérieur. Il y a Eva Green dedans, il y a Jessica Alba dedans qui danse très très bien. Du haut niveau quoi. Et du très haut niveau. Et puis il y a des beaux mecs enfin. Bah, tu verras le film, tu verras. Tu trouveras peut-être chaussures à ton pied. À bientôt. Ouais. Bisous Anaïs. À bientôt, merci Fred. Ciao, ciao. Merci David pour cette première soirée. Merci beaucoup. Demain je t'attends un petit peu avant 20h. De et retour dans Planète Rap. J'espère qu'on aura un aussi bel accueil. Vous serez là demain ? Oui. Ah bah ils seront là demain. Et on vous attend tous aussi. Merci à vous tous d'avoir soutenu avec le hashtag David Carrera, un véritable carton. Le hashtag David Carrera sur Skyrock. On remet ça demain entre 20 et 21. Ciao tout le monde. On retrouve D-Fool maintenant. Eh oui, salut tout le monde. Pareil, grosse soirée qui continue. Salut. Oui, ça continue. Salut David. Salut. Salut Mokobé. Comment il va, Mokobé? Ben ça va. Ça va. Ça fait plaisir quand on rend l'antenne presque à l'heure là. Presque. C'est bon. Bah du lourd demain aussi. Salut Tunisiano aussi, puisqu'il y a du monde ce soir. Il y a du monde. Dans le premier prime. Salut l'équipe de la semaine. Coucou. Salut. Salut poteau. Bon, bien tout le monde. Et je vous présente David Carrera. Salut aussi. David. Ça va bien. Et ça salut, va. Salut. Donc David, salut. C'est ta semaine. Toute la semaine, t'es là. Hein. Ouais, voilà. Toute la semaine. Ah, je sens que Romano va tenter quelque chose avec toi parce qu'en plus, il sent qu'il y a un marché au Portugal à ouvrir. Vive Portugal. Je sens qu'il va te proposer peut-être un duo. Ouais, on va voir ça. On va organiser ça. Je suis plus sur ma carrière solo, là, Fred. Ah oui, pardon. Ah non, mais j'y crois pas. Bah, moi, je t'ouvrais un nouveau marché. Hein. Je t'ouvrais le Portugal. Non, mais hein. Ouais, pas mal. Viva Portugal. Viva Portugal. Et obrigado, David. Voilà. Merci, merci, obrigado. Redis comment on dit danser avec les stars en portugais. T'es prêt? Vas-y. T'y arrives, tu crois? Ouais, je vais essayer. C'est possible. Danse com estrelas. Danse com estrelas. Ah, facile. T'as, le portugais, c'est dur. Hein. Je pense que t'as une carrière en Portugais. Ah, je pense aussi. Danse com estrelas. Comme comique, alors. Le français qui essaye de parler portugais. C'est ça. Bon, bah, merci, David. Demain soir, on est là juste avant 20h. Planète Rap, c'est ta semaine, c'est à pas louper, c'est sur Skyrock. Et ce soir, nous, on a la fouine qui débarque dans l'émission. Ouais. Capitale du crime 4, c'est ça, Fredo? C'est ça, ça sera dans les bacs là prochainement. Bah, il y a eu déjà des premiers extraits. Et je crois qu'il vient avec quelque chose pour vous ce soir. Quelque chose à nous faire écouter. Mais il y a un enfant. Bah oui, j'entends une petite voix. J'ai entendu un enfant. Oui, c'est un des nombreux enfants de David Carrera. Les enfants cachés, alors. Qu'ils n'avaient pas vu depuis la naissance. Et qu'ils retrouvent dans Planète Rap, ils sont là, venus chercher leur papa. Très bien, bah, papa Carrera, on te salue alors. On apprend des choses ce soir. Il y en a plusieurs, il y en aura un ou deux par soir. D'accord. Ah d'accord, ok. On va arriver à 10 au bout de la semaine. C'est possible. Il est fort ce David Carrera. Merci David en tout cas. Merci, merci. Salut Mokobé, salut Tunisiano, salut Fredo. Et demain soir, le retour 20h, 21h sans Skyrock, à pas louper. Bon, ce soir, grosse soirée, vous nous appelez dès maintenant. On va débarrer avec, tiens, le son de Masca, qu'on vous avait présenté en exclu dans l'émission. Masca, le tout nouveau. Ça aussi, c'est extrait d'un album qui va sortir. L'album de Masca, c'est pour 9 octobre. Ouais, attends, 9 octobre, je crois. Hein. Ou 20 octobre. C'est le 20, Fredo. Ouais, c'est en octobre. C'est le 20 octobre, ouais. Vous allez découvrir tout ça sur Skyrock. Espace-temps. Et on se fait tout de suite profiter de ma life pour bien profiter de la soirée. Vos messages sur le 41759, les applis Skyrock et tout le reste aussi. Faites tout péter. On arrive tout de suite. Salut tout le monde. Tout de suite. Ciao.